Bonjour. Quel plaisir de commencer une émission par... Voilà. On va être cathartique aujourd'hui dans Cargo Culte. Cathartique. On est en after. On met les basses à fond. TB303 en avant. Free la free of free. Place aujourd'hui, et pendant une heure et demie, c'est de lui dont on va parler, Plastic Man. Plastic Man à Carrie Chiotin, et Plastic Man vu à travers un angle finalement assez précis, et les stricts débuts de Plastic Man, c'est son album Sheet One, qui paraît en 1993. Alors quel disque, et puis quelle mythologie à la fois autour du disque, mais finalement peut-être plus encore autour de l'époque et du contexte qui fait que ce petit blanc-bec de Détroit va apparaître sur la scène et puis la remuer à qui mieux. Et certes, il ne sera pas tout seul hein, dans ce grand ménage et cette grande explosion de BPM, mais il en sera quand même un agent absolument essentiel. Et de fait, il l'est toujours. Alors oui, Plastic Man. Plastic Man, ça, c'est pas du tout un secret. C'est le pseudonyme de Richie Hawtin. Et pour autant, entre la personne et le pseudonyme, il y a un écart. Et j'en parlerai assez vite. Mais revenons peut-être un petit peu à une forme de genèse qui va faire que le jeune Richie Hawtin va devenir l'artiste Plastic Man, plutôt accompli. Richie Hawtin, c'est ce petit blanc-bec de Détroit. Alors, c'est dit avec ironie et bien sûr sans charge aucune. C'est un Anglais, en fait, Richie Hawtin, et c'est un Anglo-Canadien. Et qui va grandir et qui vit, attention, ça vaut le coup aussi d'être précisé, parce que c'est un détail qui a une importance, en fait, assez considérable. Il ne va pas grandir à Détroit, même. Donc tout au nord des États-Unis, d'un Detroit, capitale du Michigan, Detroit, capitale de l'industrie automobile, et puis surtout Detroit, capitale, berceau tutélaire de la musique techno. Non, Richie Hawtin va grandir de l'autre côté, sur le pont opposé, à Windsor. Et Windsor, c'est la banlieue chic de Détroit, mais c'est autre chose même qu'une banlieue chic, c'est un autre pays. C'est le Canada. Et bien sûr, on n'y grandit pas de la même manière que dans la terrible, la mythique, mais assez terrifiante aussi, Detroit de la toute fin des années 80 et du début des années 90. On le sait, Detroit, c'est une ville exsangue hein, qui a été désertée par l'industrie automobile. C'était le fleuron de l'industrie à une certaine époque, et puis c'en est devenu finalement une espèce de désert. Et le Detroit qui va voir naître la technomusique dans les années 80 et puis exploser dans cette explosion qu'on va un petit peu évoquer aujourd'hui à travers les productions du début des années 90, c'est un Détroit ultra ghettoisé quoi. Et pas mal gangstérisé. Donc dans ce décor-là, Richie Hawtin, c'est quelqu'un c'est ce petit blanc-bec, certes. C'est pas un secret de dire que la techno, c'est quand même une musique black, mais elle est d'inspiration parfois blanche. On connaît le mythe de Kraftwerk qui va alimenter et biberonner, bien sûr, les désirs des technomakers de Détroit. Mais il y a ces allées-venues comme ça, permanentes, qui sont intéressantes, surtout que finalement, Richie Hawtin va être quelqu'un qui est exactement comme ses potes et concurrents Jeff Mills, Derek May ou les autres, être biberonné à la même culture. Va écouter Electrifying Mojo à la radio et kiffer cette new wave d'importation européenne, mais qui va se mélanger avec des beats de plus en plus marqués et qui, bien sûr, va marquer les premiers pas de la techno et des pas qui vont durer. Alors, allons en 1900, au début des années 90, et voyons comment Richie Hawtin, aka Plastic Man, va dès 1993 et avec son premier album sous le nom Plastic Man, livrer un disque mais absolument mûr. Un disque extrêmement fin, en fait, et extrêmement abouti. Et ça reste aujourd'hui au panthéon des disques qu'ont forgé la culture électronica, un des sommets majeurs du genre. Il en fera d'autres, hein, d'ailleurs, Plastic Man. Et des disques extrêmement intéressants aussi. C'est pas le cas d'un album. Mais ce qui est étonnant, c'est que le premier album est déjà « waouh ». C'est d'autant plus étonnant que Richie Hawtin est encore entre guillemets jeuneau. Mais attention, c'est un jeuneau, un, ultra doué, et deux, qui a déjà en fait pas mal de bouteilles. Parce que voilà, Plastic Man, c'est un pseudonyme, Richie Hawtin, lui, il est déjà là. Et Richie Hawtin, il a déjà laissé plein de marques qui sont encore durables aujourd'hui. Richie Hawtin, il n'est pas seul d'ailleurs dans son camp. Il va fonder un label très important, qui s'appelle Plus 8, Plus 8, quand on le dit en français. Et en cela, il est associé à un autre Canadien qui s'appelle John Acquaviva. Et John Acquaviva et lui vont avec leur label lâcher pépite sur pépite. Certaines qui terrifiaient, enfin, mal, oui, un peu de forme, mais qui quand même laissaient un impact très très durable et foncièrement fort sur les dancefloors de l'époque. Et puis, ils pouvaient aussi s'exprimer, l'un comme l'autre d'ailleurs, mais c'était plus le cas de John Acquaviva, dans une forme de house plus deep finalement. À ce binôme, d'ailleurs, on va ajouter un troisième gars que je trouve extrêmement intéressant, c'est Daniel Bell. Il prend part aussi au truc. Et Daniel Bell, avec Richie Hawtin et John Acquaviva, vont signer des maxi et des remixes sous le nom de Cyber Sonic. Alors, si on joue un petit peu au jeu du chat et à la souris et qu'on cherche chez Richie Hawtin les incarnations qu'il a pu avoir, soit en amont du concept quasi définitif que sera Plastic Man, soit en aval, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Le plus évident, celui qui a dynamité les dance floors américains comme européens, c'est Fuse. Et allez, puisque je suis dans la foulée, je cite les autres un peu connus, Robotman, RHX, Jackmaster, voilà, et plus tard, une série de concepts, enfin bref, c'est quasi sans fin. Mais pour le seul concept de Fuse, ça vaut le coup de revenir sur ces disques-là. Fuse a lâché maxi sur maxi et provoqué une déflagration totalement incroyable. Et le faire en rivalité, mais rivalité sympathique, avec un autre label de Détroit et qui, lui, est extrêmement fort, label et concept groupe à la fois, c'est Underground Resistance. Underground Resistance, c'est l'association de Mad Mike et de Jeff Mills. Il y aura d'autres comparses hein, qui viendront après, notamment Robert Hood assez vite. Et puis Underground Resistance continue sur la foulée à créer le mythe après avec différentes incarnations fédérées par Mad Mike. Mais à l'époque, on est dans un binôme trio avec des entités extrêmement fortes. Jeff Mills, évidemment. Et ma foi, il y a un jeu de rivalité sympathique entre les deux camps. Jeff Mills, et surtout Richie Hawtin. Richie Hawtin lui me confiait que cette époque-là était absolument incroyable et super vitalisée parce que dès que Detroit sortait un disque absolument fort, je pense au Punisher Hippie, au Riot Hippie, l'Underground Resistance, Fuse répliquait presque de mot à mot, et dans le même mois et dans le même trimestre se succédaient un ou deux maxi qui comme ça, secouaient la planète dance. Quoi. Fuse, et ce fameux acronyme, qui est en fait un acronyme, ça s'écrit F-U-S-E, pour Further Underground Sound Experiment. Et Fuse va notamment péter le score avec FU, encore un acronyme, Substance Abuse, un abus de substance. Voilà, on est en 1991 et qu'on se le dise, on est dans les années acides. Et on est dans les années où on va jouer au plus proche, mais souvent au plus fin, avec justement toute cette rhétorique empruntée au registre des drogues. Et ça n'aura échappé à personne à l'époque. Ce jeu de citations plus ou moins sibyllines autour de l'acide, de l'ecstasy. Et ça, c'était des communications plus ou moins cryptées qui allaient vraiment nourrir à la fois les pochettes de disques, les logos de labels, jusqu'au titre même. Et Richie Hawtin faisait partie des gens qui adoraient jouer de ça. C'est le cas de Josh Wink aussi, d'autres artistes. Bon, ils ont joué de ça à fond en Angleterre aussi, vraiment tout au fond, au mythe de la Hacienda. Et ma foi, c'était un jeu assez délicieux. Substance Abuse, ça dit bien le truc, en 1991. Mais dans ce genre-là, finalement la communication la plus forte et à mon avis la plus indépassable, bah, c'est celle qui a été faite par Plastic Man, donc Richie Hawtin, mais on va dire maintenant Plastic Man, à travers le disque du jour qu'on va examiner et surtout écouter, qui s'appelle Sheet One. Alors justement, on l'examine et on regarde la pochette. Y a pas, je crois qu'il n'y a pas pochette plus culottée au monde. Et en plus, elle est extrêmement belle. Bah alors d'abord, une description. Bah, la pochette, elle est extrêmement minimaliste. Elle est blanche, s'inscrit en plein centre dans une forme de rond central. Donc le logo Plastic Man, une espèce d'entité comme ça, dansante, ectoplasme, qui va rester, hein, le trademark de Plastic Man. Mais surtout, cette pochette constituée en fait d'une grille de buvard d'acide. Donc le buvard d'acide, rappelez-vous, si vous en avez trop pris, vous ne savez peut-être même plus à quoi ça ressemble, bah oui, c'est une grille de papier avec des petits buvards d'acide prédécoupés sur lequel c'est essentiellement inscrite une goutte de la substance psychotrope en question. Voilà. Et forcément, quand une pochette de disque inscrit à même le support, c'est pas même la photographie d'un buvard, c'est une grille de buvard d'acide avec le logo inscrit à l'intérieur, ça passe pas inaperçu. Alors ça passe d'autant moins inaperçu que bah ça va valoir à Richie Hawtin des problèmes, pas tant d'ailleurs à lui-même, qu'à un jeune gars qui, en 1993, un peu de temps après la sortie de l'album, qui paraît en CD, hein, donc cette grille de buvard d'acide, elle existe dans la pochette du CD elle-même. Ce jeune gars de 20 ans, qui est au Texas, je crois, va rejoindre sa petite amie en voiture, est arrêté, contrôle de police ordinaire. On fait sortir le gars de la voiture, parce que certainement il a une tête bizarre et qu'il écoute en plus une musique qui l'est encore plus. Ouais, rappelez-vous, à une certaine époque, hein, écouter de la techno, c'était presque considéré comme illégal, et en tout cas, c'était suffisamment louche pour justifier à la police de vous faire sortir de voiture. Donc le jeune gars, ben voilà, il sort de voiture. Les policiers trouvent Sheet One, l'album de Plastic Man, et sa fameuse pochette constituée d'une grille de buvard d'acide. Waouh, waouh, waouh, waouh. Eh bien, le jeune homme, il est arrêté. Le jeune homme, il est arrêté. Il est en garde à vue pendant 5 jours. Il est libéré quand même, sous caution. Caution de 5 500 $. On est en 1993. Bon, et on est au Texas en plus. Ça n'arrange pas le truc, si ça se trouve. Mais enfin, ça aurait pu se produire dans le Michigan. Alors évidemment, il y a une intervention directe, à la fois de Richie Hawtin, mais surtout du label Mute. Et Mute, c'est donc le label qui va signer le concept de Plastic Man, et puis durablement. Mute, c'est un label, c'est pas un petit label indépendant, c'est un label anglais qui a pignon sur rue et leur bureau à New York, et qui va intervenir très très très vite auprès des institutions judiciaires fédérales au Texas. Mais le jeune gars, bah, il est quand même resté 5 jours et s'en est sorti avec 5 500 $ d'amende, enfin de libération, pour libération sous caution. Alors évidemment, il était lavé de toute inculpation, il était temps quand même. Mais enfin, voilà pour la petite histoire. Plutôt fascinante. La plaquette originale de Sheet One, parce que du coup, les rééditions du disque n'ont pas pu se permettre le même coup. C'était un peu chaud, puis bon, ça avait été fait une fois. Mais du coup, la plaquette originale de Sheet One, elle existe dans un musée qui s'appelle l'Institute of Illegal Images. Donc ce fameux institut d'images illégales, c'est en fait le musée du LSD. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il se situe évidemment à San Francisco, où voulez-vous qu'il soit ailleurs. Et voilà, il regroupe une trentaine de mille de buvards de LSD, fait des hommages à Timothy Leary, à Kim Yong-eux, et contient donc la fameuse plaquette originale d'acide, enfin supposément d'acide de Plastic Man. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'acide dedans. Ça va de soi. Mais la communication était suffisamment cryptique pour faire croire à pas mal d'auditeurs et d'acheteurs à l'époque qu'il y avait quelques petits buvards quand même dedans qui étaient imprégnés. Pas tous, mais il y en a un ou deux. Donc voilà, vous étiez quitte à manger la pochette de votre disque en entier et puis attendre qu'il se passe quelque chose. Voilà, voilà. Donc voilà, cette anecdote, elle en dit pas mal sur un disque finalement qui cite la culture rêve, qu'on est au plus proche et qui en même temps n'est pas dedans. Et là, on va venir finalement dans ce qui fait vraiment le propre de cet album et ce qui en fait son culot. Je vous l'ai dit, Richie Hawtin, avec ses concepts de, comme Fuse ou Robot Man, est déjà à fond dans la rêve culture. Et on attend ses disques comme des missives bienfaitrices. Ben, au moment de l'album, il va presque faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il va... Il va se dire non, on fait un album. Donc, un album, c'est un trip, au sens propre, hein, pas au sens buvard. Et il ne s'agit pas d'envoyer la sauce tout de suite, il ne s'agit pas de cogner. Et en fait, curieusement, ce disque, il est même expurgé du titre le plus fort qu'aurait pu le constituer. C'est un morceau qui est l'un des anthèmes de rave les plus radicaux du début des années 90, c'est Spastic, de Plastic Man. Spastic va sortir dans la foulée en maxi et être de fait réintroduit dans l'album qui va suivre l'année suivante. Mais en 1993, le morceau est prêt et pourtant, il n'est pas dans ces 60 et quelques minutes qu'on va écouter aujourd'hui et que vous allez le voir, finalement, invente une techno mentale. Signe de plein pied un grimoire de ce qu'on n'appelle pas encore l'électronica. Le mot est peut-être plus ou moins dans l'air, mais enfin voilà, c'est pas tout à fait libellé comme un genre. On commence juste à parler d'intelligent techno. Ce qui a toujours été un patronyme absolument ridicule, parce que ça suppose que la techno originale était une musique de gros cons, ce qui est évidemment pas le cas. Et on s'est même rendu compte que dans les chantres de l'intelligent techno, il y avait des crétins absolus. Mais non, je veux pas parler de les faux, mais non. Et qui, malgré tout, pouvait faire une musique superbe et sublime. C'est toute la magie, c'est tout le paradoxe, c'est toute la beauté de la musique techno. Et puis, de fait, de la musique électronique, comme on va le dire plus tard dans un doux euphémisme. Mais à l'époque, musique électronique, ça ne veut pas spécialement dire ça, ça ne veut rien dire. Donc, on n'a pas peur du mot techno, jusqu'au moment où on en aura un petit peu peur. Donc voilà, Plastic Man qui va débouler tout à fait officiellement avec ce costume de Plastic Man. Et du coup faire la distinction avec le personnage de Richie Hawtin. Chez Plastic Man, eh ben, toutes les caractéristiques de la techno sont là. La 303, la fameuse TB-303 est bien sûr la reine. Elle est au centre du truc, mais tout comme tout le reste de l'attirail techno de l'époque, c'est-à-dire la TR-909, la TR-808, la TR-606... Voilà, ça c'est bien sûr les boîtes à rythme du constructeur Roland. La TB-303, c'est lui aussi, évidemment. Hein, la petite industrie japonaise a totalement nourri la techno, c'est pas un secret. Ces quatre machines-là, notamment. Autre constructeur japonais essentiel dans le développement de la techno, c'est Akai, avec le S900, le fameux sampler 9000. Et donc ces machines-là, c'est l'espéranto musical de la techno. Et tout producteur techno se doit d'en posséder au moins deux ou trois sur celles que j'ai nommées. En général, vous avez une 808 et une 303. Voilà. Et puis, si enfin, vous pouvez ajouter une 909, une 606 et surtout un sampler, on y va. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y en a une d'emblée majeure et fascinante dans les productions de Richie Hawtin par rapport au tout venant techno du moment. Bah, c'est le son et c'est ce que Richie Hawtin va appeler le routing. Donc ce n'est pas tant les machines en elles-mêmes que la façon dont elles sont connectées et en fait dans quels effets elles passent et dans quel ordre. Et là évidemment c'est beaucoup plus secret et Richie Hawtin ne dévoile pas forcément ses cartes maîtresses. Toujours est-il, et c'est su, et puis j'ai pu le vérifier par moi-même parce que je suis partie des gens chanceux qui ont pu aller dans le studio à la demeure de Richie Hawtin à Windsor. Et il passait suffisamment de temps pour voir un peu comme tout était fait. Donc toutes les machines qui sont nommées là, effectivement, elles trônent dans un vaste studio. La place ne manque pas. Forêt de câbles. Où seul quelqu'un d'initié peut s'y retrouver. Et ça contraste plutôt pas mal d'ailleurs avec la retenue esthétique de l'ensemble. Chez Richie Hawtin, on est comme dans son logo. C'est quelque chose comme ça, très très épuré. Il n'y a pas trois détails quand un seul suffit, quoi. Mais par contre, au niveau du câblage et des machines, là, on rentre vite dans une espèce de jungle. Et bien sûr, ce qui va faire loi et ce qui va, dès le début, donner le son de Plastic Man, ce sont les délais digitaux, qui ne sont pas si fréquents que ça à l'époque, et puis des réverbes. Alors ça, c'est peut-être plus commun d'utiliser des réverbes. Mais à ce jeu des délais digitaux, des machines plus ou moins coûteuses, voilà, beaucoup de ping-pong delay qui vont faire des jeux comme ça, ça porte bien son nom d'ailleurs, hein, des jeux de ping-pong à droite et à gauche, et à droite et à gauche. Et tout ça finement dosé, quoi. Et là, évidemment, va commencer à s'inscrire une marque très forte que Richie Hawtin, en tout cas Plastic Man, va développer de mieux en mieux, et puis que bien sûr d'autres musiciens vont suivre après coup, quoi. Et chacun à leur manière, hein. Ce qui va faire qu'on va commencer à identifier, voilà, le son de ceci, voilà, ailleurs il y aura un son allemand à Berlin, voilà, etc., etc. On est en 1993, les légendes commencent à se faire. La légende d'Underground Resistance, juste en face. Dans un genre complètement différent, la légende de Maurizio et Basic Channel, justement à Berlin. Et là encore, tout ça est dû à un travail très fin et très personnel sur le son, à travers des machines qui leur sont propres, en plus des machines tutélaires de la techno. Donc effectivement, la fameuse Bassline 303, la TB-303, et puis des 909 ou 808 en boîte à rythme, quoi. Alors que l'album Sheet One lui-même, et dans lequel on va enfin arriver, eh ben c'est la transcription de ce travail très très fin, c'est cette manière de propulser la techno dans une sphère qu'on va appeler Electronica, et c'est cette limitation des titres justement forts. On est ici dans un mixage avec des sons qui, vous allez voir, sont assez récurrents et à la fois obsédants et à la fois très beaux. Un moteur d'avion, notamment de Jumbo Jet, qui revient assez souvent. Donc il y a comme ça beaucoup de hauteurs dans le mix qui sont prises avec ce son de Plastic Man, à la fois beaucoup de profondeur et à la fois beaucoup d'air, quoi. Je vous propose de rentrer dedans maintenant avec Allégresse. C'est une bonne soixantaine de minutes quand même avec ce premier album mythique de Plastic Man, celui qui allait en plus mettre vraiment sur une orbite plutôt durable ce concept, justement, album, et uniquement album de Richie Hawtin. Puisque par ailleurs, quand Richie Hawtin œuvrait en tant que DJ, là, il était sous son nom, Plastic Man, donc et uniquement le concept album ou éventuellement un concept live, évidemment, mais ça n'est pas un concept DJ. Et évidemment, de facto, vous allez voir, il y a une distinction qui se fait entre les deux genres. Et pour le peu, il est probable que Plastic Man, Richie Hawtin était peut-être l'un des premiers à incarner comme ça cette dichotomie absolument franche. Bienvenue dans Sheet One, donc sur Cargo Cult, disque de 1993. Thank you. We'll be right back. the edge. I don't remember falling asleep. The last thing I remember is I was saying to her, they're all crazy. Even you, you're all crazy. Even me, she said. I thought, oh, right, if I categorically eliminate all other people, it's just me and her. She'd like that. Especially you, I said. You're virtually the ringleader, the way I see it. And then I blew out the candle. Thank you.

I will leave you now in peace, disait-il. Quel final! C'est la conclusion donc de cet album, on ne peut plus séminal. Le tout premier album de Richie Hawtin sous le nom de Plastic Man. Donc ce premier Plastic Man et puis ce Sheet One, 1993. Très très sibyllin d'ailleurs ce petit final parce que c'est un. On est vraiment sur l'acmé du disque, quelques minutes avant, avec cette fusillade, mais alors qui est plutôt d'un caractère sci-fi, quoi. Pas trop de détails là-dessus, en plus. Richie Hawtin avait juste évoqué l'influence des séries télé des années 60, hein, orientées sci-fi, qu'il y avait sur les télés américaines à ce moment-là. On peut probablement déduire qu'on entendait là, en fait, un épisode, il y a un montage autour d'un épisode de Twilight Zone. Mais je ne serais pas trop en être sûr. Alors, ce dont on est sûr, et alors là, j'en suis sûr avec vous, parce que diable, le chat s'est enflammé. Mais alors, enflammé à coups de chiffres. Vous savez, c'est comme les grilles de l'auto, si vous voulez. Alors, les chiffres, toujours les mêmes. Hein. 303, 808, 909, un ou deux qui a dû mettre 606. Mais effectivement, c'est les chiffres du bonheur. C'est les chiffres clés. Alors, qui, de l'un ou de l'autre, a raison quand il dit « Mais ici, on entend bien un kick de 808 » et quand l'autre réplique du tac au tac « Il n'en est pas question, c'est bien un kick drum de 909 !» Effectivement, il y a eu des guerres de royaumes, mais bien plus qui se sont engagées de façon sanglante pour bien moins que ça. Donc je comprends cette polémique. Le pire, c'est que c'est un débat qui risque de ne jamais se clore, quoi. C'est quand même terrifiant. Alors moi, je donne raison à tous, amis geeks. Oui, vous avez raison. Et tout cet attirail donc, de Roland, parce que ça, c'est tous les marques de Roland, évidemment. Hein. TV-303, TR-606, il n'y a pas de 505, il n'y a pas de 707, 808, 909. Et oui, c'est quand même tout. C'est un peu le Saint Graal de la techno. D'ailleurs, chers amis geeks, tiens, pour vous embêter, pour vous glisser une peau de banane en guise de finale, il y a aussi un synthé que je n'ai pas nommé, qui est utilisé par Richie Hawtin dans cet album. un synthé qui est en fait un synthé monophonique et qui est aussi un séquenceur, un des premiers du genre. De quel s'agit-il ? AY me répond du tac au tac, SH-101. Oui, j'aurais dit pareil, mais non, c'est pas celui-là. Je suis vache. En plus, si vous ne trouvez pas, vous êtes quand même admirable et digne, hein, je vous promets. Non, c'est pas un Behringer non plus. Mais au moins, c'est des clones pas chers qu'on fait maintenant. Non, c'est un Prophet One. Donc, le Prophet One, c'est en fait le petit frère du Prophet 5, et qui ne s'appelle d'ailleurs pas Prophet One, il s'appelle Pro One. Voilà, séquenceur monophonique, synthé monophonique, de réputation très fragile, et puis surtout pas programmable. Mais justement, ça lui donnait un côté live comme ça, et qui avait spécialement sa place dans les fameuses stratégies de routing, c'est-à-dire d'auxiliaires et d'effets renvoyés de la table et dans des bus et dans des sous-bus, dont Richie Hawtin s'est fait le spécialiste. Et évidemment, croyez-moi, bah, le son, the son, effectivement, il vient de là. Alors ce programme touche à sa fin, alors je vais me livrer à quelque chose d'une intensité remarquable qui fait tant appel aux volutes d'acide, à la parapsychologie, à la télékinésie et à l'acide dans ses tout premiers, dans ses toutes premières forces. C'est rentré en communication forte avec la présidente de Pinode, l'ex-présidente de Pinode d'ailleurs, et lui demander comme ça de m'injecter des minutes supplémentaires dans ce programme même que vous écoutez avec délice et sous acide, j'ai bien compris, Cargo Cult, qui va donc gagner quelques minutes, j'en demande 10, afin de pouvoir faire, afin de pouvoir vous en offrir un peu plus, quoi, puisque je vois un petit peu demandeur de victuailles, 303 et autres, et j'ai très envie de vous en donner. Donc oui, et oui, j'ai cette petite place, youpi, c'est formidable, hein, non, mais franchement, et ça, c'est pas la Sida House qui fait ça, c'est la radio, c'est les ondes radio, ouais. Et je vais vous le prouver, parce qu'en fait, on va se faire une sortie avec ça. J'avais très envie, initialement, de vous offrir en sortie le titre phare de Plastic Man, qui ne figure pas sur cet album, et qui pourtant est déjà composé au moment de l'album, mais que Plastic Man va avoir l'intelligence de garder un tout petit peu à part, c'est le Spastic. Spastic, ça va être un emphème de rêve absolument incroyable, et il est d'autant plus incroyable qu'il reste un truc plutôt mental, plutôt axé dans l'aigu, avec des vrilles comme ça, un peu psychoacoustique, quoi. Et ça, bien sûr, lâché au bon moment sur le bon dance floor, ça vous marque à jamais. C'était même devenu, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour faire un clin d'œil, pas inintéressant du tout, c'était devenu un des emphèmes du film qui rend complètement hommage à ses rêves du début des 90s, qui a été fait en Écosse. Le film s'appelle Beat, tout simplement, ou Beats, je ne sais plus si au pluriel ou au singulier, c'est sorti il y a 2 ans, en 2019. Beats, super petit film écossais, en noir et blanc, voilà, qui raconte voilà, un groupe de jeunes autour d'un sound system, et wow, go. C'est simple dit comme ça, mais le film est extrêmement touchant, parfaitement bien fait. Et alors, il a l'intelligence de mettre justement en lumière des morceaux d'époque, qui sont des morceaux extrêmement radicaux, mais aussi extrêmement contrastés. C'est-à-dire que en 1993, dans une rêve, et ça, que vous soyez à l'extérieur de Paris, à l'extérieur de Londres, à l'extérieur de Glasgow, ou bien dans le Midwest, pas très loin du Michigan ou autour de Chicago, vous pouviez être susceptible d'entendre Plastic Man et un morceau totalement acide qui part dans tous les sens, qu'allait s'enchaîner avec le Big Fun de Inner City, donc les premières productions de Kevin Sanderson, Made in Detroit, et davantage axé sur la voix, et avec une référence disco évidente. Voilà. Toute une population, plusieurs populations dansaient sur ces mêmes rythmes en même temps, là où aujourd'hui il paraît assez peu évident de les mélanger l'un à l'autre. Alors ouais, je vous ai promis une sortie. Alors d'abord peut-être un mot sur Richie Hawtin, parce que tout ce boulot évidemment c'est le marchepied d'une carrière assez formidable quand même, Richie Hawtin, et qui par contre est un peu au point mort maintenant. Mais Sheet One, ce qui est très intéressant, c'est que ça va donner le pas à Richie Hawtin sur des titres plus radicaux, un peu comme l'image de Spastic que j'évoquais là. Mais il va reprendre le procédé, les routages, la mécanique même de Sheet One pour un album qui va venir bien plus tard, en fait, qui s'appelle lui Consumed, et qui est de l'album de 98, si je ne m'abuse. C'est son quatrième, c'est même son cinquième, hein, si on prend la série Concept, donc, et puis plus des apparitions des maxis sur d'autres noms. Donc c'est un disque peut-être plus mûr, avec plusieurs années de décalage, et qui affine encore plus le travail qui avait été amorcé avec Sheet One. C'est probablement le sommet, d'ailleurs, de Richie Hawtin. En tout cas, Richie Hawtin sous nom Plastic Man. Et juste après, mais quelques années après, il y a eu un album que je trouve pour moi le meilleur, Plastic Man, et que beaucoup de gens n'aiment pas. Parce que tout d'un coup, Richie Hawtin change de vie. Non seulement il change de vie, mais il change de ville. Il quitte Detroit et surtout Windsor, face à Detroit, pour aller à Berlin, tout autre trip. Il change de look, finit sa tête de super geek éclairé avec petites lunettes rondes. Tout d'un coup, il a des cheveux. Ça devient une figure de mode. On se rend compte qu'il est beau gosse. Il est complètement amoureux d'une DJ berlinoise. Il tourne dans tous les clubs du coin et en plus, il fait des trucs super. Donc, du coup, ça vous fait un disque qui, lui, changeait radicalement d'humeur et qui pourtant était absolument excellent. C'est l'album Closer de 2003 et qui reste, je pense, le disque incompris de Plastic Man et qui, croyez-moi, je vous le jure, est bon et reste bon. Et après ça, rien. Rien, si ce n'est, et ça c'est pas rien, une anthologie absolument incroyable, que j'ai pu me fournir d'ailleurs au moment où je vous parle. Donc c'est un bel objet de Plastic Man qui s'appelle Archives, et ça compile à peu près tout ce qu'il a fait, hein, entre 1993 et 2010. Et puis il y a beaucoup de documents autour. Et puis plus rien ou presque. Alors il pouvait se reposer sur ses lauriers, Richie Hawtin, mais il est revenu sous le nom de Plastic Man pour un album. Qui s'appelle X, et qui lui paraît en 2014. Et là, il n'est pas bon. Pardon de le dire, il n'est pas bon. Et même le son n'est pas bon, c'est complètement ennuyeux, ça ne marche pas. Écoutez, peut-être que voilà, il peut s'arrêter maintenant, hein, Monsieur Plastic. Il a laissé des très très belles choses. Il a initié des très belles choses. Et il l'a fait autant en son nom que bien entouré. D'où cette sortie que j'ai envie de privilégier avec vous, parce que ça, c'est un petit peu, c'est une arme secrète. C'est une véritable arme secrète de DJ que je vais vous livrer là, en la personne de Daniel Bell. J'évoquais ce trio fondateur qui était constitué par John Acquaviva, Richie Hawtin et donc Daniel Bell, certainement le moins connu des trois au début des années 90, et le moins connu des trois parce que c'est celui qui n'est pas DJ. Le gars, lui, produit et uniquement, il sort assez peu de son antre. Il est néanmoins à la tête d'un excellent label, mais qui est son propre label, sous lequel Accelerate, c'est le nom du label, sous lequel Daniel Bell exporte uniquement son nom, et encore de manière complètement cryptique, c'est DBX. Et les disques DBX Accelerate, je peux vous dire que quand ils arrivaient à Paris, c'était... quand il y en avait 5, c'était un coup de bol, quoi. Donc ça se disputait vraiment comme un buvard d'acide de la meilleure qualité. Et moi je dois cette découverte-là, meilleure comme plein d'autres d'ailleurs à ce moment-là, à Saul Russo. Saul Russo c'était le boss de la boutique BPM, qui était au cœur de Bastille, boutique et puis label par la suite. Et tout l'international DJ passait là, ramasser quelques pépites. Il y avait des importations directes qui passaient là. Et puis maître Saul Russo qui était quand même là pour donner la bonne pépite à la bonne personne. Voilà, et puis vous ne la donnez pas si vous ne voulez pas vous la donner. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, toujours est-il que c'était un des morceaux les plus enviés dans la collection de Saul Russo. Et moi, j'avais pu rapidement en récupérer une copie bien m'en face. Et le morceau que je vous offre est vraiment en lien très, très fort. Et je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, d'ailleurs, avec la radio et avec l'histoire même de la radio. C'est probablement le premier ou le deuxième maxi de DBX autour du thème du blip. On appelait le blip, c'était plutôt une tendance lourde de la techno, mais nord-anglaise, quoi. Et qui, effectivement, convoquait des bruits de blip et blab, blab, blab, et sur des basses comme ça, très rondes, musclées, et en général, bien pêchues grâce à la TB-303, justement. Là, on va retrouver tous ces éléments, mais à la place de la synthèse pure, ce qui va faire l'âme du morceau, eh ben, ce sont des interférences en ondes courtes. Et le morceau s'appelle ni plus ni moins que Short Wave. C'est un morceau extrêmement rare à l'époque. Croyez-moi, ceux qui l'ont, il faut qu'ils le gardent. C'est toujours rare d'ailleurs, mais enfin, ça a pu quand même être édité et accessoirement compilé, mais bien après 2000. Quoi. C'est des choses qui étaient vraiment des trucs d'initiés, boîte secrète. Et ce titre-là, aujourd'hui comme hier, me fait toujours le même effet. C'est une spéciale dédicace aux Pinauders et aux éditeurs de Pinaud, parce que finalement, toute l'histoire de la radio est là, ce Shortwave de Daniel Bell, aka DBX. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, bonne écoute et bonne descente.